C'est Marseille, bébé. On va les monter en l'air. Bientôt, on choisit dans quelle bouche on met nos bites. Gosse. Yes. J'étudie les grands dossiers, je traîne avec grand monsieur. Doigt dans la prise, elle vient dans ma matrice. Je mets que le doigt dans sa chatte. Foie dans la cheese, y'a mon blast dans la loge, y'a mon blast dans la jave. Hey, je vais la foutre en entier, que ça prenne une journée ou toute ma putain de vie. Je vais trouver ton corps sans tâcher mon Marcel. Ma bite si tu gagnes, capitale du crime comme à Bogota. Mais nous c'est Marseille, science infuse, mon silence fait du bruit. Au-dessus de la tête, tout le monde a un paye. Le but c'est de pas être le plus abordable. Les refs me disent pour toi, on le fait gratuit. Ciel rouge et l'océan, je parle aux oracles et je m'assois devant. Petit, je bois du sky, j'ai la nausée. J'ai power comme magicien d'os. Flingue et les Yanklin et rosé. Oji, je suis celui qui te remet ta dose. Filio di putana hero. Enfant de la lune et je suis Nagasaki. Sur la terre des Shihiro. J'ai changé d'équipe, changé d'allié. Tu parles un peu moins maintenant que tu fais le pitre. Maintenant qu'on y est, on m'a dit que tu balances, t'es un suceur de bite. Tu sais pas nier, je te baisse ta mère, envoyez-moi des pics. Je fais des billets, je fais des billets, coffre. Le courage, le respect, c'est mieux que les larmes. J'ai pas tout réussi, papa, mais je fais au mieux, non. Je n'entends pas leur bénédiction. Le corps sous un drap, ici c'est périlleux, non. Viens, viens dans mes bras, ouais. Tu vas sentir le claque. Contre toi, oh. Le courage, le respect, c'est mieux que les leurs. J'ai pas tout réussi, maman, c'est périlleux, non. J'parle pas en gérant, appelez-moi vite le boss. Que ça, tu bombes le torse. J'ai enterré mon père et mes rêves de gosse. Bientôt, ils auront peur que de Dieu et de gosse. On va lui faire la peau. Elle a donné le go, donc on opère la go. Te lever la jean, ça sera peine pleine pro. Ça fait 400 000 ans que j'ai pas fait l'ordo. Alléluia, alléluia. Maman, c'est pas une pute, tu ressembles à Bouya. Plus de sentiments, les gars, je fais des bouillards. Arrangement, même si tu connais Rouya. Hey, oh, tu nous fais chier. Si je te lève pas la vie, c'est pour ta pute de merde. Mais toi, on pourra bien dormir. J'ai payé le commissaire, on aura plus d'emmerde. Dans Pérignon, j'ai des bails de Tupac. Quand je suis avec Audin, on déjeune sur les gouttes. J'ai les chemises sur les côtes, des amis sur le goût. Ils me prévient comme mon précieux, ils seraient écoute. T'inquiète, je tiens les manettes. On fait dans la CC, on investit dans la net. C'est moi qui les ai fait, ils pensent à me la mettre. Je vais les allumer, demander pardon à la mec. Je vais te péter les genoux, tu chantes au téléphone dehors, tu vas faire air. J'ai du plan pour toi aussi, pour celui qui intervient. Day-day ton poignet, sa mère une lotus. Je parle au taulier, sa mère l'intermédiaire. Faut que je fais le rond-point tout bleu. J'ai pas surteinté les vides de mon caisson. Je fais photo au feu rouge, je serai là pour la moisson. Le courage, le respect, c'est mieux que les larmes. J'ai pas tout réussi, papa, mais je fais au mieux. Tu vas sentir le claque contre toi, oh. Le courage, le respect, c'est mieux que les love. J'ai pas de réussite, maman, c'est périlleux. Ouais, j'ai changé d'équipe, changé d'allié. Tu parles un peu moins, maintenant tu fais le pitch. Je vais te péter les genoux dehors, tu vas faire air. Tu sais pas nier, hey. Je parle au taulier, sa mère l'intermédiaire. Je te baisse ta mère, envoyez-moi des pics. Wesh le S, je fais des billets, je fais des billets. Coffre. Tu vas sentir le tac contre toi, oh. Le courage, le respect, c'est mieux que les larmes.